croit plus qu'un jour ou l'autre. La fumée qui résonne, les regards à l'envers. Admette bientôt pourquoi tous ces regrets lâchés l'atteignaient de travers. Les cendres jettent un trouble par-delà la fenêtre. La fumée qui souligne les regards incendiaires. Admet bientôt pourtant, peste bientôt pourtant, que devant ces regrets, il n'y a rien à faire. Je ne crois plus qu'un jour ou l'autre. Un vin du Portugal coule sur le comptoir. Il est temps de savoir. J'arriverai à jeter pour la centième fois les dés. Bon. Je suis pas sûr. Tu peux arrêter, on va la refaire.